Le banquet pour les compatriotes d'outre-mer, consacré au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, a eu lieu le 16 au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont été conviées les délégations des compatriotes d'outre-mer, comme le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour la célébration de la Journée du Soleil, conduit par Kun Sun-fi, conseiller du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, et le groupe de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine pour la Journée du Soleil, conduit par sa présidente Choi Eun-bo, et autres compatriotes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste. Y ont pris part Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, et autres officiels intéressés.